France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 153. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 8 mars 2009, 11h04. Bonjour à toi, l'ami! Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es pour le moins circonspect devant l'esprit du nouvel œcuménisme. Malgré leur retour au sein de l'Église catholique, les évêques intégristes, réintégrés par Benoît XVI, refusent de reconnaître Vatican II, le concile qui avait réconcilié l'Église catholique et les Juifs. Monseigneur Sylvestre, c'est grave, là, refuser Vatican II, c'est de l'antisémitisme. Non, rien à voir. C'est juste que nos évêques, ils n'aiment pas les suites, et c'est tout. Je comprends pas. Ben, ils ont pas aimé Vatican II, mais ils ont pas aimé non plus Taxi 2. Oui. Tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office laïque et freudien, durant lequel ce matin, nous croiserons pêle-mêle une mise en lagarde, un vieux lion et une culotte du Moyen-Âge. Dans la foulée, nous reviendrons sur le procès des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris, où nous découvrirons comment les époux Tibéri sont parvenus à faire voter des morts vivants. Ensuite, figure-toi que demain, le 9 mars, la poupée Barbie célébrera son jubilé. Eh oui, 50 balais, mes mères. Eh bien, à cette occasion, nos joyeux fantômes de Lina ont ressorti un vieux carton de jouets pour une authentique réflexion que nous t'offrirons avec délectation. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains, où nous te raconterons comment Monique et Jean-Claude tentent d'échapper au voyeurisme municipal depuis que Monsieur le maire veut tripler les caméras de vidéosurveillance sur sa commune. Et puis, hier, le 7 mars, nous commémorions le 10e anniversaire de la mort d'un génie, Stanley Kubrick. Et notre facétieux reporter est allé à la rencontre d'une intime du cinéaste. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique, mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et déguste sans contrainte le vin divin de notre messe profane entre grand millésime et gros rouge qui tâche. Here we go, are you ready for one another? Dream Warriors noise is new discovery. A new blend, so telephone a friend. Yo, D-Boy's got this new song, it's dope, man. Compact disc to the prime is Optimus. Fans are friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition, my definition. My definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this, my definition is this, my definition. When I kick rhymes, it's often said to do damage. Skin so strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paraphrase. In the mix is where dream warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. Right now I know it's a flow, and just like a poet, your definition of me is definitely wrong. Why must I try to lie and build an alibi when all you ask is just for me to be me? Replace a replaceable replacement with this. Relax, relax, relaxation, boombastic. My name is King Lou. Mine is capital Q. Bags of mostly water, search to find my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. My definition of a bombastic jazz style. Ce sont les Canadiens Dream Warriors qui nous envoyaient en 1990 en direct de Toronto leur définition d'un jazz style bombastique très orgastique. L'amour avec toi, c'est kafkaïen, y a pas à dire. Hein? Merci. Bon, avant tout, cher ami, après ce petit coup de bombastique, il est l'heure pour toi maintenant de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble à 11h11 les modestes aventures laïques de ce 153e épisode du Mangin Palace. Et comme l'exige notre malicieuse liturgie, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui nous allons croiser maintenant une sévère mise en la garde, un vieux lion et une culotte du Moyen-Âge. Allez, en route, maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin ! En avant la déprime, hein ? Merde ! Le produit intérieur brut devrait reculer d'1,5% et l'on s'attend à plus de 300 000 suppressions d'emplois pour l'année 2009. Brutal comme retour sur Terre. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, reconnaît que c'est beaucoup plus que prévu. Bien entendu que c'est beaucoup plus, puisque si vous voulez, les effets sur l'emploi résultent tout simplement du ralentissement. Je crois qu'on n'a plus le choix, on va devoir activer notre plan de sauvetage. Tu vas devoir vendre ton corps. Et parfois du freinage brutal de secteurs économiques entiers. Attends, il y a certainement une solution moins extrême à toutes nos difficultés financières. L'invité de France Inter est sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, ancien garde des Sceaux. Bonjour Robert Badinter. Bonjour. J'écoute qu'à vous. C'est quand même vous qu'on appelle l'idole. Ça, ça m'en pense, hein. Surpopulation, état déplorable des prisons, absence des droits parfois élémentaires. Pourquoi, puisqu'on s'occupe de tout ? Toutes les professions d'accord pour demander une loi pénitentiaire, on s'est traîné jusqu'à celle-ci. Et puis maintenant, face aux demandes européennes et à la constante condamnation de la France et par la Cour européenne des droits de l'homme et par le comité de prévention de la torture, eh bien, on se résigne, dirait-on, à avoir un projet de loi qui va venir en discussion. Alors, dans sa version gouvernementale, il est très insuffisant. Encore des éclairs, hein, le vieux lion. Des fulgurances. C'est la longue série des priorités sociales d'une société inégalitaire. Et en définitive, les prisons, dernier servi. Voilà. Ces arbres, je trouve ça. Ouais, ces arbres, c'est pas normal. Polémique donc au sein du gouvernement à propos du projet de loi sur les droits des beaux-parents. Nicolas Sarkozy Zoltan veut que le Parlement en débatte à la fin du mois. Christine Boutin culotte du Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est, culotte du Moyen-Âge? Oh bon oui, sang. C'est elle, je suis un fan, non. C'est trop drôle. S'élève contre ce qu'elle appelle une façon détournée de reconnaître l'homoparentalité. Sachez que vous m'avez profondément déçu. J'ai prié jour et nuit pour vous. Dans l'autorité parentale telle qu'elle est prévue dans ce texte de loi, on prévoit que l'autorité parentale peut être donnée à un couple de même sexe. Écoute, j'ai un conseil à donner. Prends cette monnaie que tu pensais donner pour ta paroisse et va t'acheter des fringues. La crise est là. Aujourd'hui, on a besoin de repères fixes. Je ne pense pas que ce soit le moment. Trouve-toi un mec ou alors une femme avec qui tu vas rester un petit moment, car c'est que ça la vie, chère sœur. C'est une série de moments. Le procureur en est sûr, le député-maire Jean Tiberi est bien l'instigateur de la fraude électorale commise à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Idem pour son épouse Xavière. Reste à voir ce que décidera la cour. Mais d'ores et déjà, Lynn Cohen-Solal, élue du 5e arrondissement, est satisfaite. Je suis soulagée de voir que ce que je disais un peu seul est reconnu maintenant par tout le monde et avéré, et même dans son ampleur et dans son histoire. L'important est que les électeurs du 5e arrondissement sachent ce qu'on a fait de leur vote. Voilà. Même si on n'a jamais un sou et qu'on est plutôt des ratés, on vaut mieux que tous ces gens-là, pas vrai? Sauf s'ils fument du crack ou un truc comme ça. En effet, lundi dernier, dans le procès des faux électeurs du 5e arrondissement de Paris, monsieur le procureur de la République a requis une peine d'un an de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et une inéligibilité de 5 ans contre Jean Tiberi et une peine à peine plus légère pour son épouse Xavière. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a voulu revenir sur ce procès truculent qui a débuté le 2 février dernier. Bon, nous connaissons tous la personnalité bondissante de Xavière Tiberi qui n'a pas hésité, avec grand renfort d'envolée lyrique, à faire du tribunal une vraie salle de spectacle. Jean qui pleure, Jean qui rit, il y a toujours deux côtés de la vie. Tournons le dos à la tragédie et vive la comédie. Le public est content quand il sort de la salle en riant. Ça lui donne du cœur et ça le fait rajeunir. Qu'importe que l'accent soit de Molière ou Shakespeare, il sait bien ce qu'il veut et ce qu'il veut c'est bien rire. Que c'est bon de voir des gens qui rient. Hélas, pour eux, les Tiberi n'ont pas ri longtemps quand ils ont vu s'amonceler les charges de moins en moins réfutables de fraudes électorales avec un vibrant accessite pour le rôle de Xavière dans ces magouilles. Bon, pour Jean Tiberi, c'était déjà cuit, mais le juge a bien cherché à comprendre comment Xavière s'était laissé embringuer dans les tripotages électoraux de son époux. Et là, pour une des premières fois de sa vie, Xavière fut honnête. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Pourtant, Xavière Tiberi a fait preuve de beaucoup de volonté pour aller recruter des électeurs et cette logique clientéliste a été soulignée par le juge qui a constaté les pratiques mises en place par les Tiberi pour obtenir les voix des électeurs. Vous n'oubliez pas que c'est les élections dimanche. Il va falloir venir voter pour moi, hein ? Nous avons encore besoin de vous pour améliorer le quartier et pour que Madame Labière ait son banc. Ah, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Comment ça, à notre âge, on peut pas faire grand-chose? Bah, vous pouvez voter pour moi. Le plus grand nombre de voix nous aurons, plus vite nous pourrons satisfaire vos demandes. N'oubliez pas que ce que je vous ai promis la dernière fois, vous l'avez eu. Il faut nous aider en nous apportant vos voix. Plus nous aurons de voix, plus nous pourrons vous aider. Je compte sur vous. Et ensemble, nous ferons un endroit où il fait bon vivre. Eh oui. Offrir une place en crèche ou un logement social pour obtenir les voix des électeurs, ce n'est pas très democracy spirit, tout ça. Bon, tu me diras, dans ces années opaques de la municipalité parisienne, cette pratique de donnant-donnant n'était sans doute pas la pire. Et puis, pour les défendre, les Tiberi ont trouvé un soutien inespéré, honnête et digne de confiance. Est-ce gourdé rien qu'un instant la goualande du pauvre Jean que les femmes n'aimaient pas et n'oubliaient pas? Il y a toujours eu dans notre histoire, c'est vrai, des tentatives de fraudes électorales. Dans la vie, il n'y a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Mais parce qu'elles sont restées ponctuelles, toujours, folkloriques parfois, elles n'ont jamais représenté pour la démocratie un réel danger. Aujourd'hui, la situation est différente, et ceci, je crois, pour quatre raisons. Ils guinchaient dans les salons, ils becquetaient chez des barons, et lichaient tous les tafias, mais n'oubliez pas, rien ne vaut une belle fille qui partage notre ragoût. Sans amour, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. Et de l'amour, les Tibéri, ils en avaient à revendre à leurs électeurs, à tel point qu'ils n'ont jamais pu radier des électeurs qui avaient quitté leur arrondissement, dis donc. Ah, quels doux sentimentaux, ce Jean et cette Xavier. Ce sont donc des centaines de faux électeurs qui ont été inventés par les Tibéri à leur profit pendant plus d'une vingtaine d'années. Et ce qui a en outre été révélé lors de ce procès, ce sont les pressions exercées par ces idylliques édiles. Parce que Xavier, totalement fasciné par son bel Hidalgo de Jeannot, étaient prêts à tout pour protéger leur petite combine face aux curieux. Voici d'ailleurs un témoignage à charge qui rapporte les propos de Xavier à l'époque. Et pourtant, vous devez disparaître. Ce que vous savez peut détruire l'œuvre qu'il a entreprise. Alors, bonsoir, mon ami. Vous allez dormir des mois et des mois. Vous serez un zombie, une chose, jusqu'au jour où... Peut-être. Pas de promesse, mon petit. La piqûre est prête. À un de ces jours. Qui sait? Vous allez faire ça. Plus tard, vous comprendrez. C'est bon. Voilà mon bras. Docteur, faites vite. Voilà. La veine. Ici. Faites vite, bon Dieu. Là, le juge a bondi sur son fauteuil. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de piqûre et de zombie? Non, décidément, ce procès se corse, pensa le juge, terrifié à l'idée d'être confronté à un procès colonna bis. Et d'ailleurs, le juge, pour mieux comprendre cet aspect de la fraude tibérisque, fit venir à la barre un expert en la matière. Oui, ben un zombie, c'est tout simplement quelqu'un qui est mort, officiellement. Quelqu'un qu'on a enterré, dont on a célébré les funérailles, quelqu'un qui a disparu de sa tombe, en général dans la nuit qui a suivi son enterrement, quelqu'un qu'on retrouve parfois, plusieurs années après, au travail. C'est un être qui est entièrement soumis à la volonté de ceux qui le dirigent, de ses maîtres. C'est quelqu'un qui, en général, a une voix nasale, assez horrible d'ailleurs une à entendre. Une voix de tête. Une voix de tête. Exactement. C'est quelqu'un qui travaille comme une bête de somme et qui n'a pas la volonté de s'échapper de cet état. Quoi ? C'est donc ça, la fraude des Tibéri, utiliser des zombies pour se faire élire ? Ah oui, là d'un coup, c'est tout de même un peu différent que d'utiliser les voix des électeurs morts. D'autant plus que, d'un coup là, avec les zombies, les Tibéri ont espéré profiter d'un angle mort du code électoral. Nous avons la confirmation qu'il s'est présenté de bonne heure à un bureau de vote. Est-ce légal ? Cela pose donc deux questions. Primo, sont-ils légalement morts ? Est-ce que mort vivant est pareil que mort ? Secondo, qui va lui dire qu'il n'a pas le droit de voter ? Tu ne sais pas encore les pépins qu'on va avoir. Ça peut nous péter entre les doigts et nous mettre par terre. Et ça a pété, et ça nous a mis par terre. C'est quoi le problème ? Les morts voulaient voter, c'est vrai. Mais pas forcément pour nous. Eh oui. Ce n'est pas parce qu'on est mort qu'on a perdu son âme. Et même pour un zombie un peu défraîchi, mais doté d'une vraie conscience politique, il était évident qu'il valait mieux voter pour un candidat honnête plutôt que Tibéri. Ainsi, malgré les arguments répétés de Jean et de Xavier pour expliquer que faire voter les zombies, c'est très légal, ça se fait toujours dans le maquis, eh bien, le débat est resté vif et le juge n'a pas baissé les bras. Une bonne fois pour toutes, la vie est la vie et la mort est la mort. Ce sont des réalités qui ne peuvent pas. Ce sont des balivernes. Et vous le savez, ces assertions ont été maintes fois contestées par vos propres collègues. Oui, vous, monsieur. Nous ignorons où finit la vie et où commence la mort. Car les cheveux continuent de pousser après ce que vous appelez la mort, de même que les ongles. Nous savons que le cerveau d'un homme peut mourir alors que son cœur continue à battre et ses poumons à respirer. Et vous le savez. Ce que vous osez suggérer est non seulement illégal, mais c'est immoral. Baliverne ! Baliverne ! Voilà ce qu'a dit le juge pour finir. Xavier et Jean ne semblent toujours pas se rendre compte de ce qui leur arrive malgré les preuves et les témoignages accablants. Alors voilà, les Tibéri risquent une condamnation à de la prison avec sursis, à une amende et à une période d'inéligibilité. Mais à la vérité, de tout ça, Jean et Xavier, ils s'en foutent royalement. Non, ce qui les touche au cœur, c'est d'avoir perdu tous leurs zombies électeurs. Ça pèse, hein? Ça pèse. La solitude, ça pèse. Au début, en se disant, je vais m'en sortir, et puis on s'en sort pas, non? Ah, il n'y a rien à faire, on s'en sort pas. J'ai pris un chien. Mais on a beau dire, un chien, même gentil, ça remplace pas. Et la solitude est toujours là. On se réveille tout seul, on s'endort tout seul, on mange tout seul. Et un jour, on se dit, pourquoi manger? Pourquoi se réveiller? Pourquoi aller chez le coiffeur? Ça, le coiffeur, ça. C'est le début. Le début. De la fin. « 100 Yard Dash », c'est la ponctuation que nous offre ici ce matin le Californien Raphaël Sadik. Un facétieux patronyme, mais qui n'a rien à voir, bien entendu, avec le sadisme de certains tarés. Ah, c'est bientôt Noël, pensez-y, poupée close party. Alors maintenant, après avoir redécouvert les tribulations de Jean et Xavier, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent, à 11h28, sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que demain, la célèbre poupée Barbie va devenir quinquagénaire. Oui, c'est le 9 mars 1959 que la femme d'affaires Ruth Handler présenta pour la première fois à New York sa blondasse mannequin de 28 cm, belle bête. Et lorsqu'ils ont appris cette incroyable nouvelle, nos joyeux fantômes radiophoniques, qui sont restés de grands enfants, se sont précipités sur leurs vieux cartons de jouets rangés au plus bas des sous-sols obscurs et sinueux de Lina. Alors écoutons attentivement l'étrange récit de notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à Lina, on s'est bien amusé. Mercredi soir, on a retrouvé un vieux carton de jouets. Et tous ensemble, on a joué à la Barbie. Évidemment, Ruth, qui est vraiment nunuche, s'est précipitée sur Barbie mannequin, sa préférée. Barbie, ce jour-là, s'est réveillée d'excellente humeur. Elle ne songeait qu'à aller se promener en ville. Il fait un temps idéal pour faire du lèche-vitrine. Elle saute dans sa voiture et se rend en ville, dans le quartier des boutiques. J'ai justement remarqué une petite boutique. Je vois déjà une petite robe dans la vitrine. Alain a écrasé la tête de Barbie mannequin. Alain, il aime que les Barbie en kit. Là, on a le buste. Dans l'autre caisse sont les deux paires de jambes. Donc les seins sont aussi des boules qui pivotent. Donc l'ensemble peut s'articuler d'une manière, le cou étant lui aussi une boule. Donc tout ça s'oriente comme on veut. Et donc là, on a les quatre jambes, les deux entrecuisses. Une Barbie à quatre jambes. Lolo, ça lui a donné plein de nouvelles idées pour se faire opérer. Quand je vois un chirurgien pour faire un nez, je leur dis « faites-moi un nez où on voit que je me suis fait opérer ». Oui, en fait, j'aurais toute une poupée Barbie, une poupée plastique. J'ai encore envie de changer de visage parce que j'aime pas encore mon visage. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir refaire quelque chose ? Qu'est-ce qui vous gêne en permanence dans votre corps ? Le fait de me sentir mal, de ne pas me sentir belle, toujours de ne pas me sentir belle. Jamais. Alors, pour consoler Lolo de ne pas être une Barbie, Myriam lui a raconté comment c'était la première fois qu'elle avait vu une Barbie nue. Donc l'image, c'est ça, c'est une vitrine en plexi et la poupée à l'intérieur. Je ne peux même pas dire avec certitude si elle était habillée ou pas. Quand je réfléchis un tout petit peu, je me dis non, elle était nue, puisque c'est ce corps, c'est ce ventre, c'est ce pubis, c'est l'articulation des jambes. Je ne vois pas trop les bras, d'ailleurs. Et le pubis est très apparent. Mais c'est un pubis qui est lisse. Un pubis lisse. Évidemment, tout le monde a rigolé. Pendant ce temps, Simone avait mis un turban à sa Barbie. Elle l'a fait monter sur une scène, devant un public de Barbie, pour jouer à Barbie philosophe. Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement et moralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Alors évidemment, Ruth a répliqué en disant que c'était pas possible, que Barbie pouvait pas être féministe, que d'abord Barbie en avait qu'une, c'était la sienne, et patati et patata. La vraie Barbie, ça c'est pas une Barbie. Elle est mignonne, mais c'est pas Barbie. Je suis désolée, c'est pas Barbie. On a plusieurs Barbie ethniques. Il y a des Barbie noires, africaines. Il y a des Barbie asiatiques. Ce sont des amies de Barbie. Mais ça, c'est pas Barbie. Barbie est blonde, mais les grands yeux bleus. C'est comme ça. Ça nous a vraiment trop énervés, surtout Chantal. Alors pour se venger, elle a sorti l'arme qui tue, la Barbie anti-Barbie. Avec ta première Barbie Poufias, tu rentres dans le monde des Poufias. Tu vis les aventures formidables des Poufias qui vont en boîte. Et avec un peu de chance, tu vas rencontrer un connard dans une belle voiture. Comme tous les connards, il va essayer de te sauter comme une bête et tu le reverras plus. Avec Barbie Poufias, tu vis le rêve extraordinaire de toutes les Poufias. Barbie Poufias, un jouet à la con. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle exploration poético-burlesque au cœur de Lina Tendue et qui nous rappelle ici ce matin, en cette journée de la femme, que la poupée Barbie, c'est un jouet à la con et qui n'a franchement pas participé à l'émancipation féminine. Mais bon, passons, puisqu'il est temps maintenant pour nous de jouer avec nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h33, rejoignons notre fantasque petit village fleuri où nous attendent Monique, l'anti-Barbie Girl, et Jean-Claude, Ken le survivant. Eh bien, sache que nos deux héros ont pris part cette semaine à cette virulente polémique qui agite Grosboul-les-Bains ces derniers temps. Vois-tu, sur proposition de monsieur le maire, monsieur Jean-Guy Balkana, notre petite commune doit servir de zone test au projet de Michel Alliot-Marie qui souhaite tripler cette année le nombre des caméras de vidéosurveillance sur le territoire national. Et devant l'inquiétude légitime de ses administrés, mardi dernier, lors du conseil municipal, Jean-Guy Balkana a alors tenté de se justifier. J'ai souhaité créer un réseau de vidéosurveillance qui, pour moi, est un outil pour la police et pour la justice. C'est pas une fin en soi, ça ne résout pas tous les problèmes, ça aide simplement les policiers à faire leur travail. Bien sûr. Et dans la foulée, le maire de Grosboul a même annoncé à ses administrés que Michel Alliot-Marie en personne viendrait à Grosboul-les-Bains samedi prochain pour inaugurer ce nouveau dispositif. Évidemment outré par un tel projet liberticide, Monique, présente à cette séance du conseil municipal, a aussitôt réagi. Oui, c'est évident que l'installation des caméras de vidéosurveillance reliées à d'autres systèmes de contrôle comme la biométrie, le RFID, comme s'il se passe en Grande-Bretagne, comme monsieur Nicolas Sarkozy veut effectivement mettre en place. Big Brother is watching you. C'est ça le véritable danger. C'est la dédestruction des espaces de liberté. Big Brother is watching you. Donc, faire naître ce sentiment d'insécurité chez les gens pour demander des caméras de surveillance, ça, c'est enrichir le marché très juteux de la caméra de vidéosurveillance. Bien entendu, Monique est acclamée par les nombreux gros boulets présents à la mairie mardi soir. Seulement voilà, véritable filou de la vie politique locale, Jean-Guy Balkana sent très vite que les propos de Monique pourraient devenir populaires et ainsi nuire à son plan de carrière. C'est pourquoi, dès mercredi matin, le maire de Grosboul invite Monique dans son bureau pour lui proposer quelques petits arrangements dont il a le secret, afin de la calmer avant que la ministre de l'Intérieur ne déboule samedi prochain. Mais à peine est-elle entrée dans le bureau du maire, que Monique aperçoit d'étranges bidules posées sur des étagères derrière lui. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cassettes vidéo. Ah, ça, je vois bien. De quoi ? C'est un projet personnel sur lequel je travaille. Quel genre de projet personnel ? Oh, c'est un projet personnel, comme tous les projets personnels. Le mien est, disons, plus personnel, je crois. Pourquoi toutes ces bandes ont-elles des prénoms de femmes ? C'est que dans les interviews, je préfère les femmes aux hommes. Alors tout ça, c'est des interviews. Oui. On peut en regarder une ? Non, non. Pourquoi ? Bien, j'ai promis à chacune des personnes que nul ne visionnerait ces bandes en dehors de moi. Mais sur quoi est-ce que ça porte ? Les interviews portent sur le sexe. Le sexe ? Comment ça, le sexe ? Tu parles d'interview ? Monique comprend aussitôt que monsieur le maire est en réalité un gros voyeur et que ce projet-là de vidéosurveillance accrue, en plus de s'attaquer aux libertés individuelles bien sûr, permettra également de venir enrichir la petite collection privée de Jean-Guy Balkana. Immédiatement, Monique lui dit ce qu'elle en pense. Vous savez, dans le temps, aux voyeurs, on brûlait les yeux avec une barre chauffée à blanc. De nos jours, s'il fallait brûler les yeux à tous les voyeurs de la Terre, je crois bien qu'on manquerait de barre. Ah là là. Il y a presque autant de voyeurs que de femmes et d'hommes. Les gens devraient sortir de chez eux et se regarder eux-mêmes. Ça les changerait. Oui, monsieur. Ça, au moins, ça serait de la bonne philosophie. Et puis, désemparée, Monique claque alors la porte du bureau de monsieur le maire, sans manquer au passage de lui promettre un accueil corsé lors de son inauguration officielle samedi prochain. De son côté, notre Jean-Claude, lui, est moins remonté que Monique contre ce projet de vidéosurveillance. Pour lui, primo, c'est la garantie d'une meilleure sécurité urbaine. Bah ouais, hein, faut savoir ce qu'on veut. Et secondo, ça doit être fascinant de contrôler une société. Oui, tiens, par exemple, mercredi matin, sur le chemin du boulot, Jean-Claude marche paisiblement sur le trottoir au milieu des gens. Et franchement, il aimerait tant savoir ce que pensent tous ces gens, justement. Si nous pouvions savoir ce que pensent les gens au milieu de ces foules si anonymes, ce qui les rend tristes, ce qui les rend gais, et si on essayait ? Quelle connerie d'avoir pris un chien. Pouah, va falloir encore le promener en rentrant, et que je te renifle tous les pneus, et que je te démoule mon cac au milieu de la route, et que je te lèche la tronche quand tu rentres. Je vais te le faire piquer, celui-là. Il est là. Il est juste derrière. Oh, j'adore son côté gros nounours. J'ai mis ma petite jupe. Bon, elle est un peu... Oh, j'aimerais tellement qu'il m'aborde, qu'il me parle. J'adorerais ça. Il doit être tellement câlin. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette jupe de salope, là? Elle me cherche, là. Je vais te choper dans un coin, ma petite pute. Je vais te la déchiqueter, ta jupe. Je vais t'exploser la foule. Je vais te carcher. C'est bizarre que Gilles Opétré fasse plus de thé. Oh, il faut que je la nique. Que je me la pète. Oh, cette jupe-là, mais... Pourquoi pas la foule n'a l'air non plus? Finalement, non. Une foule impersonnelle, vide et con, c'est quand même un peu composé d'êtres humains. Vide et con. Oui, bon, d'un coup, Jean-Claude est moins persuadé de vouloir savoir tout ce que pensent les gens dans la rue. D'autant moins qu'une fois installé à son bureau mercredi matin, Jean-Claude découvre par hasard un dossier visiblement égaré, commandé justement par monsieur le maire Jean-Guy Balkana. Immédiatement, Jean-Claude décide alors de le montrer à Hervé, son collègue syndicaliste. C'est une liste noire, ça, y a tout le monde là. Bingo. Castelli Frédéric, secrétaire, ok. Hein, tenue vestimentaire déplorable, tendance à l'exhibitionnisme et la perversité, soupçonné de consommer des substances illicites. Comment il sait ça? Je sais pas, ça. Jean-Claude, directeur commercial, limité, inculte. Vulgaire, des tendances à l'alcoolisme, soupçonné de malversation financière au sein de l'entreprise. En même temps, c'est bien cerné. Attends, mais... Attends. Dumont Hervé, c'est moi, syndicaliste, gauchiste radical, idée subversive, élément dangereux. Ouais, non, attends, il y a aussi écrit velléitaire, obséquieux avec l'autorité, mythomane. Ouais. C'est des conneries, ok? Et s'il veut la guerre, Jean-Guy va la voir. Oui, samedi matin, lors de la venue de la ministre de l'Intérieur, ce sera la guerre contre Jean-Guy Balkana et ses petites caméras. Tout le monde va s'y mettre. L'ensemble des gros boulets s'y prépare. Monique, bien sûr, mais aussi Jean-Claude, vexé comme un pou, ainsi que leurs deux mômes, Rémi et Elsa, elles aussi très agacées et qui, d'ailleurs, a trouvé comment résister à Big Brother. C'est impossible. C'est pas réalisable, ce truc. On va pas mettre des caméras dans les rues, dans les lits, partout, non, pour quoi faire? Moi, je fous du chewing-gum dessus et j'en vois une, puis voilà. Coller des chewing-gums sur les caméras de vidéosurveillance, voilà une première mesure à prendre, se dit Monique. Et, durant les deux jours suivants, ce sont tous les villageois de Grosboule-les-Bains qui ont préparé l'arrivée de la ministre de l'Intérieur. Mais, bien entendu, Jean-Guy Balkana et la ministre avaient choisi un prétexte consensuel, l'antidrogue, pour justifier la mise en place des caméras liberticides. Fin de l'histoire. Néanmoins, quelle ne fut pas la surprise de la ministre lorsqu'elle découvrit l'esprit de cette petite bourgade attachée plus que tout à ses libertés et notamment au droit à la vie privée et surtout à la liberté de se déplacer. Comme vous pouvez le remarquer au-dessus de moi, voici notre toute première caméra et placée dessous notre panneau Ville sans drogue. Ainsi, nous avertissons les dealers que dorénavant nous les surveillons. Salaud ! C'est quoi ce bordel ? Bande de tarés hystériques ! Donc, nos caméras filmeront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, tous les dingues sont sortis, on dirait. À Alors maintenant, toujours en direct avec toi, à 11h43, après avoir découvert comment les gros boulets sont entrés en résistance devant la menace de la vidéosurveillance, il est l'heure désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic consacré ce matin à un client permanent et ultra VIP du Mangin Palace, le génial Stanley Kubrick. Vois-tu, hier, le 7 mars, il y avait tout juste 10 ans que Kubrick cassait sa pipe. Eyes Wide Shut, son dernier film, n'était pas encore sorti. Et souviens-toi, nous le découvrions quelques semaines plus tard, post-mortem donc, avec comme ultime héritage le dernier mot du film prononcé par Nicole Kidman, « Fuck », le point final d'une œuvre magistrale. Eh bien, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé à la rencontre de Michelle Halberstadt, une productrice de cinéma, et pas des moindres, puisqu'elle est double palme d'or avec Rosetta des Frères Dardenne et Adieu ma concubine, et qui fut également une intime de Stanley Kubrick. Elle fut la dernière en particulier à qui le maître accorda une interview papier en 1987. Ainsi, juste après la virgule, pour célébrer sa mémoire bien sûr, découvrons le Kubrick-Abrac de Michelle Halberstadt. Merci à elle. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Moi, Kubrick, l'image que j'en ai, c'est entre le nounours et le Père Noël. Stanley Kubrick? Merde alors. Stanley, vous êtes l'un de mes réalisateurs préférés, toute catégorie. Sans blague, j'ai vu tous vos films, il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé. Merci beaucoup. J'arrive pas à y croire, quel honneur. C'est vrai, j'ai vu Spartacus, superbe. Lolita, fantastique. Docteur Folamour, Orange Mécanique, Barry Lyndon. Le plus beau souvenir que je garde de lui quand même, c'est 15 jours avant la sortie de Adieu ma concubine, justement. Il me dit, alors, vous sortez sur combien de copies? Donc je lui dis, il dit, et les belles copies, elles sont où? Je lui dis, ben, il y a les deux copies de Cannes tirées du négatif. Il y en a une sur les champs et une, je ne sais plus où, au Halle. Il me dit, bon, alors voilà, un petit conseil. Tu vas voir le projectionniste, tu lui donnes un petit pourboire et tu lui dis, tout ce que je vous demande, c'est de passer le doigt contre la pellicule une fois par jour. Je dis, pourquoi? Parce que la poussière, au bout d'une semaine, elle va rayer ta copie. Dis-moi, j'aimerais savoir. Les deux filles à la fête hier soir, est-ce que, par hasard, ça n'a pas fini par une baisse? Quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous savez quelle est l'histoire, la vraie histoire de la fin d'Eyes Wide Shut, du fameux fuck dont tout le monde a dit oui, c'est un monteur qui l'a rajouté, et tout le monde a cherché à savoir si c'était le dernier mot de la dernière œuvre de Stanley Kubrick? Fuck. Je peux pas imaginer que quelqu'un ose mettre ça si c'est pas lui. Moi, je suis sûre que c'est Kubrick qui l'a mis. Je peux pas imaginer qui que ce soit dans son entourage osant ajouter. Même un silence, quoi. Écoute-moi bien, mon commandant. On est venu voir Stanley Kubrick. Que dites-vous? Stanley Kubrick, le célèbre réalisateur. Je l'ai rencontré un jeudi après-midi à Pinewood Studio. Et je suis rentrée par le dernier avion. Je parle de ça. Il n'y avait pas FedEx, DHL, les courriers. On n'avait pas les plis comme ça. Il n'y avait même pas de fax à l'époque. Et je vais à l'aéroport, il me dépose à l'aéroport en voiture. Et je lui dis, vous savez, je suis embêtée parce que j'ai vraiment très peu de photos. Et j'ai pas vraiment de quoi faire une couverture ni un beau sujet. Il m'a dit, vous inquiétez pas, je prends donc l'avion, il devait être 19h30, d'accord? J'arrive à mon journal à 8h du matin, je pousse la porte de mon bureau, j'allume la lumière, il y a une boîte en carton, je l'ouvre, dedans il y avait 300 hectares. Et il y avait écrit, Hope you'll find what you need, Stanley. J'ai gardé le mot, je n'ai jamais su comment la boîte était arrivée là. Je pense qu'il a dû envoyer Simon Vitali dans la nuit faire la route. J'ai jamais demandé, j'ai jamais voulu savoir. Voilà, pour moi, ça, si vous voulez, moi, quand je pense à Kubrick, je pense à cette boîte en carton dans mon bureau à 8h du matin. Je ne saurais jamais comment elle est arrivée. Voilà. C'est impossible que vous ne le connaissiez pas, c'est un célèbre réalisateur. Il y a notre président qui vient de découvrir 2001, l'Odyssée de l'espace, et Shining. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais qu'il aille voir Barry Lyndon maintenant. C'est un film sur le pouvoir. Apparemment, Eyes Wide Shut, il avait commencé par ça sans le savoir, donc... Oui, étonnamment, nous avons appris par la presse de ces derniers jours que M. Sarkozy venait seulement de découvrir les films de Stanley Kubrick. Chouette, et mieux vaut tard que jamais. Et, selon les conseils à l'instant de Michel Halberstadt, après avoir maté 2001 et Shining, le mieux pour notre président serait de s'attaquer à présent à Barry Lyndon, un film en costume très 18e et très politique. Et tu vas voir, nous sommes certains qu'après avoir vu ce chef-d'œuvre, tout va changer à l'Élysée. 10 000 louis de bénéfices. Bonne journée, Pérol. Demain, nous ferons mieux encore, monseigneur. La confiance règne. Voyez-vous, monsieur de Pérol, ce qui m'a le plus étonné à Versailles, c'est l'immoralité qui y règne. Les principes, les traditions se perdent. Un Quélus préférerait tuer sa fille de sa propre main que de la savoir déshonorer. Je m'appelle... Moi, Lolita. C'est Alizé qui souffle ce matin un hommage à Stanley Kubrick et à Vladimir Nabokov, qui aurait eu 110 ans en avril prochain. Et pour un monsieur de cet âge, même Lynn Renault est une Lolita. La calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Alors maintenant, à 11h52, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et, afin de ne rien oublier d'essentiel, M. Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Oh belle, on dit bien des choses, la presse cette semaine, plein de petites nouvelles au poil. Alors tout d'abord, on trouve tout ce qu'il faut pour nous faire hérisser le poil. Par exemple, la République du Centre nous rappelle qu'à Ono en Eure-et-Loire, Marie-Christine, caissière dans un supermarché, a été licenciée en février 2008 pour avoir détourné la somme de 40 centimes d'euros. Oui, cette délinquante. Ah oui, une délinquante en puissance. Un Madoff en jupon. Donc, elle a été accusée par sa direction d'avoir utilisé sa propre carte de fidélité lors du passage en caisse d'une cliente licenciée donc pour 40 centimes, le prix d'un café à la machine, quoi. Eh oui. Alors, Marie-Christine a toujours nié ce détournement et elle a eu raison de porter plainte devant les prud'hommes qui viennent cette semaine de condamner son ancien employeur à lui verser plus de 16 000 euros d'indemnité pour licenciement en l'absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 380 euros pour licenciement vexatoire. Alors là où c'est intéressant, c'est que la semaine dernière, Le Monde nous apprenait qu'en Allemagne, à Berlin, Barbara a été licenciée pour avoir détourné 1,30 euros. Ça hérisse le poil, vraiment. Hein. C'est très énervant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Barbara, elle, de son côté, avait récupéré des bons de consigne de bouteille qu'un client avait oublié. Voilà. Juste des petites brèves, comme ça, juste pour goûter l'air du temps, pour se dire, moi, je comprends pas pourquoi certains, je sais pas, des syndicalistes, sans doute, là, hésitent encore à faire confiance au patronat qui, décidément, est toujours prêt à battre des records de morgue et d'amoralité. Alors justement, Philippe, en parlant de record, j'en ai trouvé un qui marche au poil. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous racontais que les Croates de Vinkovci avaient battu le record du monde de la plus grosse saucisse. Ouais, 530 mètres. Eh oui. C'était déjà très impressionnant. Oui, c'était beaucoup. Eh bien, le quotidien serbe Večernje Novosti nous apprend que samedi dernier, à Turija, au nord de Belgrade, une bande de joyeux charcutiers vient de confectionner une saucisse de 2 km de long. Oh, c'est pas vrai. Ah, incroyable, les records tombent les uns après les autres. Mais Philippe, que peut-on faire avec une saucisse de 2 km? Je vous laisse répondre. C'est compliqué. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas si ça va à rebrousse-poil ou s'il y a un écho, mais The Guardian du 24 février nous apprend que Ian Welsh, un biologiste britannique, a pêché en Thaïlande un gros poisson, une raie géante de 350 kilos, du jamais vu. Donc voilà, cette grosse bestiole a été pêchée dans le fleuve Mekong, parce que vous le savez, Philippe, il existe des raies d'eau douce, sans poils donc. Alors, en parlant de poils, un article intéressant dans Libération de lundi dernier, où Catherine Malaval pose cette question capitale. Comment expliquer le retour du poil sur le corps de l'homme? Ah oui, c'est vrai, j'ai aperçu ça. Oui, le constat est là, hein, de Chabal barbu à Brad Pitt moustachu, c'est le grand retour du poil. Libé a questionné le sociologue Jean-François Amadieu, son confrère Jean-Claude Kaufmann, ainsi que le philosophe du corps Bernard Andrieux. Conclusion de ses réflexions. Eh bien, le poil, le bouc et la moustache traduiraient un refus de l'ordre sarkozien. Ah, c'est pas vrai. Eh bien voilà, se raser de près, c'est la norme. Être imberbe, c'est entrer dans les standards. Alors qu'afficher sa pilosité, je cite, c'est peut-être une façon de lutter contre le corps sarkoziste, lisse, athlétique, qui veut effacer toute aspérité et conflit, sans voir un poil qui dépasse. Bon, pour sculpter son corps sarkoziste, Nicolas peut toujours compter sur Paris Match. Ah oui, pour gommer un petit bourrelet, là où ça gêne, c'est pratique. Mais notre président compte beaucoup aussi sur Julie Imperiali. Sur qui ? Julie Imperiali, c'est le supplément week-end, la parisienne du quotidien, Le Parisien, bien. Qui nous présente Julie, un élément essentiel du pouvoir élyséen. En effet, Julie Imperiali est la coach sportive, le personal trainer du couple Sarkozy. Oui, il y a un article là-dessus. Mais décidément, rien ne nous sera épargné. Hein. Donc là, maintenant, on a les cours de fitness de notre président. Alors, bien sûr, on le voit beaucoup, notre président, hein. Sans doute trop. Enfin, pas partout quand même, hein. Pas en Guadeloupe, ni à Gandrange, ni en banlieue. Mais là, écoutez, je ne sais pas pourquoi, moi, ces petits entraînements avec Julie Imperiali, j'aimerais voir, juste pour une bonne poilade. Parce que Julie fait travailler le renforcement des muscles profonds de notre président, avec un gros ballon rose. C'est un énorme ballon. Avec un ballon rose, c'est marqué dans l'article, ça. Ah ben, on voit la photo, surtout. Hein. C'est une énorme bulle de Malabar. Alors, Julie nous dit que le président est rigoureux, très déterminé, que sa plus grande qualité est la ténacité, que son grand défaut est qu'il ne sait pas s'arrêter. Bon, bah ça, c'est simplement caresser dans le sens du poil. Hein. Et moi, là, d'un seul coup, je vais m'arrêter, parce que je me dis que peut-être l'histoire ne retiendra que ça du sarkozisme. Des petits muscles profonds qui bondissent sur un gros ballon rose. Et cette image, ça met de bon poil. Merci, monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Ah.